La vérité mon frère, les prix pour de la merde. Ouais, je fais plus trop sévère, mais je les emmerde, j'en ai plein dans la tête. Je me vide des terres, c'est l'heure des actes, mais qui va le faire? Je veux pas me taire, la vérité mon frère, les prix pour de la merde. Ouais, je pète les plombs sévères, mais je les emmerde, j'en ai plein dans la tête. Je me vide des terres, c'est l'heure des actes, mais qui va le faire? Je veux pas me taire. Dur dans la vie de faire des levées, tu peux compter que les relevés de factures. Tous les matins, faut se lever, fin du mois, faut serrer, serrer la ceinture. Lundi, c'est la tête dans le cul, le week-end a coupé court. La reprise, c'est bien le pire, on se voit déjà vendredi. Le quotidien se répète, on n'en voit pas la fin. Quand le SMIC on encaisse, le 10 y'a déjà plus rien. Le loyer passe, les charges aussi. Tu voudrais faire plaisir, mais t'es juste en débit. La banque t'appelle, des frais de rejet vont mettre de l'oseille. Tu vends tes chaussettes, tes meubles, ton tel, puis t'as plus rien. Tu vas faire tes courses, ton budget est limité. Mais t'aimes ma bouffe, faudra juste te priver. Au pas de course, tu vas demander de l'aide. Mais si vous percevez trop de paye, j'peux rien pour vous. Veux partir en vacances, mais t'as pas de blé. Y'en a qui disent sans argent, pauvre docteur Dre. La vérité mon frère, la vérité mon frère, la vérité mon frère, les prix pour de la merde. Ouais, je pète les plombs sévères, mais je les emmerde. J'en ai plein dans la tête, je me vide des terres. C'est l'heure des actes, mais qui va le faire? Je veux pas me taire. La vérité mon frère, les prix pour de la merde. Ouais, je pète les plombs sévères, mais je les emmerde. J'en ai plein dans la tête, je me vide des terres. C'est l'heure des actes, mais qui va le faire? Je veux pas me taire. Trop de dépenses sans utilité, des taxes en excès, y'en a qui se remplissent la panse sans regret. A vous tous, mes frères et sœurs, on est tous dans la même zère, tous dans la même merde, faut pas le nier. Je chante sur le beat quand y'en a marre de se laisser couler. Le monde dérape, fait naufrage, alors je rappe, laisse parler ma rage. On a tous quelque chose, quelque part à y gagner. Yeah, quitte à pour Mike, laisse parler la rage. Ok. La vérité mon frère, n'est pris pour de la merde. J'pète les plombs sévères, mais j'les emmerde. La vérité mon frère, n'est pris pour de la merde. Ouais, j'pète les plombs sévères, mais j'les emmerde. J'en ai plein dans la tête, j'me vide des terres. C'est l'heure des actes, mais qui va le faire? J'veux pas me taire. La vérité mon frère, n'est pris pour de la merde. Ouais, j'pète les plombs sévères, mais j'les emmerde. J'en ai plein dans la tête, je me vide des terres, c'est l'heure des actes, mais qui va le faire? Je veux pas me taire. Je veux pas me taire. Je veux pas me taire.